vient tous les soupirs de la nuit. Cette conversation muette avec le silence épris se répétait comme des appels dans cette nuit obscurcie. Les toits sont nouvelles, cet amour interpelle. Tous les oiseaux de retour, tous les passants des faubourgs. Avez-vous vu mon amour sous les portiques du temple de l'amour? De rêvant sérénade, je pleure pour son retour. J'ai visité toutes ses manades, ses chapelles ardentes, ses arènes. Mais tout m'indiffère, l'amour est le seul chant que j'espère. Oh, comme je t'aime dans tous les soupirs de la nuit. Avec le silence épris, se répétait comme des appels dans cette nuit obscurcie. Mieux vaut aimer l'amour dans le silence d'une tour que de vivre accroché à des lèvres dans la coupe si brisée.